Bonjour Daniel, bonjour. Bienvenue à cette conférence du mois d'août 1994. Aujourd'hui, à cette conférence privée, j'aimerais parler de la loi de l'occupation, de ce qui fait que depuis qu'on est né, on s'occupe pour mourir, puis recommencer, puis pour mourir. J'aimerais savoir... Je vais expliquer quelque chose avant. C'est un petit morceau tiré de l'introduction à la cosmogonie de la réalité, mais ça va clarifier, enfin, ça va aller avec ce que tu dis là, ce que tu vas amener. L'être humain, c'est quelque chose qui, on va dire, a une certaine nature, une nature absolue, une nature cosmique. Normalement, dans cette nature, il y a de l'intelligence. L'être humain s'exprime dans un monde particulier, un chronotope particulier, celui-ci. On va dire un monde particulier pour l'instant, c'est un chronotope. Et dans ce chronotope, dans ce monde, il y a des restrictions. Ces restrictions-là, on va les connaître sous forme de lois. Je répète encore une fois que ce sont des lois naturelles, un peu comme lorsqu'il pleut, ça mouille, c'est une loi naturelle. C'est rare que quand il pleut, ça sèche. Bon. Ça peut arriver dans un autre chronotope. Mais dans celui-ci, lorsqu'il pleut, ça mouille. Alors, il y a des lois. Parmi ces lois-là, il y a des lois de l'expression de la nature humaine. Alors, j'avais dit à un moment donné dans une conférence que la nature humaine était une nature qui l'amenait à souffrir, qui l'amenait à rechercher la misère, le malheur, qui l'amenait aussi à s'autodétruire. On change un peu juste les mots, et il y a une loi d'expression de la nature humaine. On va considérer que la nature humaine est une nature à être pacifique, à être douce, à être intelligente. C'est ce qui essaie de s'exprimer. Mais dans le chronotype actuel, dans ce monde-ci, il y a une loi, il y a des lois d'expression de la nature humaine. Parmi les lois de l'expression de la nature humaine, il y en a deux. Une, celle de la recherche de la misère, de la souffrance, du malheur. L'autre, celle de la recherche de l'autodestruction. Et il y a donc aussi une autre loi, celle de la recherche, finalement, de l'obnubilation ou de l'occupation. Alors, on parle de la loi de l'occupation. Qu'est-ce que c'est la loi de l'occupation? C'est une loi qui vient régir l'expression de l'être humain dans ce chronotope-ci. Ça veut dire que, où on change les lois, maintenant, changer les lois de la nature, c'est assez compliqué, où on change de chronotope. Donc, on va dans un endroit où les lois sont différentes. C'est comme partir dans un pays où il est interdit à une femme de se promener à côté de son mari, donc des pays musulmans, entre autres, la femme doit marcher en arrière, et on s'en va dans un pays où cette loi-là n'existe pas, ou même il y a une loi plutôt qui dit que les sexes ont une égalité ou face à la loi. Donc, ils ont une égalité face à ce qu'ils veulent faire. Si on va dans les pays musulmans et qu'on veut changer les lois, il faudra se battre, alors que si on change de pays, c'est réglé. Maintenant, pour changer de pays, il faut évidemment que les lois du pays de départ t'autorisent à changer de pays. Si on prend les lois, par exemple, dans les pays communistes, c'était interdit, c'était illégal de vouloir améliorer son sort. C'était aussi illégal de vouloir changer de pays. Dans les lois du chronotype actuel, il y a beaucoup d'illégalités. Bon, j'ai déjà expliqué, il y a quelques mois, qu'il y avait parmi des sous-lois, des lois du genre, mais ce sont des lois qu'on lançait comme ça, à un moment donné, on va les clarifier, mais des sous-lois du genre, vous devrez tout faire pour vivre éternellement, mais vous ne pourrez pas y réussir. Vous devrez tout faire pour être heureux et heureuse, mais vous ne devez pas réussir. Les 10 commandements, c'est des... Oui, 10 commandements, ça dépend. Non, à l'intérieur, il y a des commandements qui sont faciles à faire. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont impossibles pour l'humain. Alors, si on parle de loi d'occupation, on parle d'une mécanique qui est ici, qui sert à empêcher l'être humain de voir clair dans sa tête. C'est ça. Puis même, je connais des conscientisés qui avancent, et puis ils sont toujours occupés. Ils ont toujours la loi d'occupation qui les attire dans le chronotope. Bien, parmi la loi de... Si on prend la loi d'occupation, puis qu'on s'amuse à la définir... Évidemment, ces lois-là vont s'entrecouper, s'entraider. Ça fait partie d'un protocole légal. Comme pour un pays, chaque loi vient finalement soutenir la législation du pays. Parmi les lois de l'occupation, il y a la loi de la créativité. Hein? Du créateur, mais tu ne peux pas créer rien. Bon, mais ça occupe. Ça occupe, ça. Il y a la loi du collectivisme. Le devoir du collectiviste, c'est de tout faire pour essayer d'être comme les autres. Le gros du problème là-dedans, c'est que vous vous sentez anormal, marginal, vous allez vouloir être comme les autres. Mais comme les autres, qui comme les autres? Comme les musulmans? Vous allez dire, non, pas comme les musulmans, tu sais, je veux être normal quand même. Ah, OK, vous voulez être normal, mais pas comme la moitié de la planète. Bon, vous voulez être normal comme qui? Comme les communistes? Comme les Chinois? Ah ben non, je veux être normal. OK, pas comme les Chinois, un quart de la planète. Pas comme les communistes, un cinquième de la planète. Finalement, vous voulez être normal, mais pas comme les cinq huitièmes de la planète. Vous voulez être normal comme qui? Ça, c'est encore une autre affaire. Ça, c'est quand on veut faire quelque chose, là, puis on décide de le faire, mais c'est pas ça qu'on veut, finalement. Parce que quand on est arrivé là... Ça, c'est la créativité, l'occupation, etc. Mais juste pour finir notre mécanique du collectivisme, parce que c'est souvent incompris chez la majorité des gens. Enfin, c'est compris un peu, mais les gens n'ont rien à foutre. Ils sont trop occupés. Finalement, on veut être normal comme sa famille. Et les gens m'ont dit, ben pas tout à fait. Bon, d'abord, vous voulez être normal, vous voulez être alcoolique. Il y a beaucoup d'alcooliques au Québec. Non, on veut être normal, mais pas comme les alcooliques. Bon, alors vous voulez être normal comme les drogués. Il y a beaucoup de drogués au Québec. Non, on veut être normal, mais pas comme, tu sais, juste de temps en temps, tu peux prendre un petit coup. De temps en temps, tu peux fumer un petit joint, par exemple. D'autres vont dire, non, pas normal, non, pas à ce point-là. Fait que finalement, vous voulez pas être normal, mais vous voulez que tout le monde vous trouve normal. Vous aimeriez, parce que la personne qui est collective, qui veut être normale quelque part, bien, si elle vivait chez les musulmans, bien, elle trouverait, elle, que la crise de vraie réalité, c'est d'être musulman. Mais vu qu'elle ne vit pas là, elle va trouver que la crise de vraie réalité, c'est d'être comme certains amis, ou comme ses parents, ou comme des collègues de travail, ou comme des collègues d'école. Ça, c'est la vraie réalité. Ça veut dire que sa vraie réalité, elle dépend totalement de l'endroit où elle vit. Autrement dit, l'individu est une pauvre personne totalement omnibulée, qui est assujettie à la loi de l'occupation, puis qui s'amuse simplement à être supportée par le médiocrisme qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire qu'elle s'aime tellement pas, elle se fout tellement d'elle, que le moindrement qu'elle doit être elle devant des gens, elle ne peut plus être elle, il faut qu'elle soit normale. Et présent dit n'importe quelle épée en avant, il faudra qu'elle devienne normale comme les épées. Et la personne peut obstiner que ce n'est pas vrai. Mais vous voulez être normal devant qui? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est quoi la normalité d'abord? Par rapport à l'entourage. Toujours à l'entourage. Fait que change d'entourage, la personne va encore changer. Et les gens qui sont collectifs vont dire que c'est pas vrai. Eux autres, ils veulent être normal, puis ils vont essayer de définir la normalité. Mais définis tant qu'à la définir à partir de quoi? C'est évident que si tu vas vivre dans un endroit où les gens sont religieux au maximum, où tu crises ton camp, où tu deviens religieux. Mais les individus, s'ils sont nés dans ces endroits-là, ou s'ils ont un emploi ou des salaires, ou encore sont en amour, tombés en amour dans ce pays-là, ils vont probablement, lentement, vouloir être religieux. Un exemple, le changement de langage. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui m'entourent qui disent qu'il faudrait qu'on soit moins ésotérique. Ah oui, c'est évident, parce que les épais, les inconscients à l'extérieur étant moins ésotériques, il faudrait qu'on soit comme eux autres. Parce que là, ils ont de la difficulté à être capables de supporter la valeur de leurs mots uniquement parce que les autres ne les connaissent pas. Donc, on devrait dire, au lieu de parler, par exemple, d'infarctus du myocarde, on devrait parler de mal à l'estomac. Parce que les gens, quand ils ont mal à l'estomac, ils font des crises de cœur. Puis quand les gens ils ont mal au cœur, bien, ils vomissent. Fait que quand tu as des problèmes de digestion, tu as mal au cœur. Puis là, on devrait parler de même, puis là, on serait mieux accepté. On serait mieux accepté. Ils vont te détester autant. Il y en a un de plus qui va t'haïr, ça va être toi. Tu ne seras pas mieux accepté. Et en plus, ton langage est un langage avant qui était spécifique, spécialisé. Le langage ajuste la pensée, donc tu avais un meilleur contrôle sur les structures de pensée. Et tu essaies d'avoir une pensée de pauvre, de paysan, d'arriéré, parce que tu trouves que ça ferait mieux pour toi. L'idée là-dedans, c'est que tu recherches à mourir le plus vite possible et tu recherches à vivre le plus incognito possible à travers la société et avec la mentalisation prétextant que c'est la façon d'arriver à être ajusté avec le peuple. Quand tu rencontres un paysan puis que lui te dit que le divorce, ça se dit « machala, machal pu », comme au lac Saint-Jean ou en Arabie, quand tu rencontres un paysan, tu vas parler comme lui, c'est correct. Mais ce n'est pas une raison pour que toi, tu t'interdises de penser à ta façon et que ce n'est pas une raison pour que tu t'interdises de parler entre d'autres personnes qui parlent différemment, uniquement parce qu'il y a probablement, de temps en temps, peut-être que le fermier d'à côté, il a mis un micro dans ta chambre puis qu'il t'écoute puis qu'il rit de toi. Peut-être. Le gros du collectivisme, c'est là-dedans. Les gens ne s'aiment pas, ça fait partie de la loi de l'occupation. Vu que vous ne vous aimez pas, vous allez tout faire pour vous aimer. Vu que vous ne vous aimerez jamais, parce que ici, les lois, c'est essayer de faire le maximum pour atteindre ceci, mais n'y arrivez pas, parce que si vous y arrivez, vous allez payer le prix. Bon, c'est comme ça que ça se passe. À moins que tu changes de monde, évidemment. Les individus finissent par vouloir être les deux pieds sur deux terrains, ou sur trois, ou quatre, ou cinq, ou six terrains. Ils veulent changer de monde en restant dans celui-ci. Ils veulent changer de monde en se gardant des portes et des tunnels pour venir ici de temps en temps. C'est surtout ça aussi. Ils veulent se garder des attaches, des portes. Mais tout le temps. Parce que ça devient anormal d'être normal, mais de normal pour toi. Le gros de l'affaire dans le collectivisme, c'est qu'il n'y en a pas un seul humain qui est pareil comme les autres. Dernièrement, j'ai regardé un jeune garçon qui était à peu près 8, 9, 10 ans. Bon, il est joli et il a sa petite tabarnak de casquette sur la tête. À l'envers, évidemment. Là, je me semble de le voir, de lui dire, écoute, pourquoi tu fais pas tes culottes à l'envers? Non, ça a l'air fou! Une casquette à l'envers, mon petit, ça a l'air aussi fou! Là, il m'obstinerait que non. Mais si tout le monde met tes culottes à l'envers, il mettrait à l'envers aussi. Ça n'aura pas l'air fou. Mais là, l'idée, c'est que tu regardes le devant de sa face, là, le truc en plastique, etc. Ôte la palette, puis dis-lui, mets ça! Mets-le, puis regarde dans le miroir, c'est pareil. Il voudra pas le mettre! C'est pas une casquette! Donc, c'est pas l'onde de forme, il se trouve pas beau, il se trouve pas rien. Il doit être le plus possible normal. Mais la farce là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un seul jeune qui, dans sa nature, met une casquette à l'envers, et ils vont tous essayer d'être normal par rapport à aucun jeune qui existe sur la planète, puis ils vont tous mettre la petite casquette à l'envers pour être normal comme aucun jeune qui existe sur la planète, donc pour être normal comme qui? Moi, je la mets à l'envers pour être comme toi, qui la mets à l'envers pour être comme moi. OK? Sauf qu'il n'y en a pas un seul qui la met à l'envers pour lui. C'est la même chose avec la casquette de travers, avec la casquette carrément, parce que la casquette, c'est une personnalité, et ces jeunes-là trouvent leur casquette, puis ils sont tout nus. Vole-leur leurs souliers, vole-leur différentes choses, ça dérangera moins, sauf évidemment s'il y a une personnalité de pied, puis il est dans ses souliers. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tout le travail, on parle de loi d'occupation, tout le travail majeur qui est fait chez l'être humain, pour être normal, et encore une fois, comme à un moment donné, je parlais du maquillage pour les femmes, et il y avait deux femmes qui s'étaient inscrites au séminaire qui ont rappelé pour dire qu'ils annulaient, qu'ils allaient s'acheter du maquillage à la place avec l'argent du séminaire. Mais c'est la même astuce d'affaires. Tu peux pas parler de rien de ça. S'il y avait un jeune à casquette ici, il m'en donnait, il vient plus jamais. Pourquoi? Parce que j'ai attaqué ce qu'il est, lui. Une crise de casquette. J'ai attaqué ça. Le maquillage, c'est la même chose. Ma fille qui se maquillait, je lui dis, qu'est-ce que tu aurais l'air, moi, si je me maquillerais comme toi? Elle dit, tu es parallèle d'un maudit niaiseux. C'est ce que t'as de l'air. T'as de l'air d'une maudite niaiseuse. Mais évidemment, on s'habitue à avoir des casquettes croches, à avoir des, etc. On s'habitue à avoir des habillements qui sont totalement stupides et ça finit par être normal. Et normal par rapport à qui? Par rapport à personne. Les jeunes qui mettent des bottes l'été, des souliers de course l'hiver, des baskets dans pas grand temps, parce que les Français sont rentrés dans les Québécois sont aux épais. Alors là, ils vont étudier ce qui se passe en France. En France, on dit des baskets, puis on dit des tennis. Bon. Eh bien, vite, on va jouer aux souliers. Ah oui. Parce que moi, je joue au basketball, au ballon panier, mais en France, c'est le basketball. Puis les souliers qui servent à jouer au basketball, c'est des baskets. Mais des baskets en anglais, c'est des paniers. En tout cas. Mais là, de plus en plus, on vient comme ça, parce qu'il faut il faut avoir une personnalité. Es-tu content? D'être épais comme les Français qui, eux autres, détestent les Américains et veulent à tout prix être Américains. Bon. Et quand tu demandes un Français, mais basket, c'est anglais. Oh non, basket, c'est français. Bon, correct. Shopping, c'est français. Mm-hmm. Pas de problème. Le drugstore aussi. Non, le drugstore, c'est anglais. Le drugstore, c'est français. Drugstore. Puis c'est français, c'est français. Tu comprends, c'est français. Ouais. C'est pas un anglicisme, c'est français. Une pharmacie, c'est épais. Ben oui, sur leur étiquette, à toutes les croisées de chemin, c'est des stops, c'est pas des arrêts. Mais ça, c'est international, hélas, là, mais en tout cas. Ouais, mais le gros de l'affaire, c'est que dernièrement, il y avait des Français à la radio qui disaient que, parce que là, il y a des Québécois qui ont été les engueulés un peu à propos de leur franglais. Et, bon, comme par exemple, week-end, on n'est quand même pas, l'animatrice disait, on n'est quand même pas pour dire, comme nos petits cousins québécois, fin de semaine, non, franchement. Ben, c'est ça. Un week-end, c'est français. Bon, fin de semaine, ça, c'est épais. Et c'est la même chose. Mais cette mécanique-là. Parce que tu es épais si tu n'es pas américanisé en France, tu es au Québec, c'est la même. Le collectivisme, c'est une connerie totale. C'est ça, cette mécanique-là là, qui fait qu'on est obligé d'être collectif. Ça nous occupe toute la vie. C'est pour ça qu'on meurt. Écoute, ça vous rend médiocre. ça vous démolit, ça vous déstabilise sans arrêt, ça vous décentre sans arrêt, ça vous oblige sans arrêt à travailler pour être normal. Être normal par rapport à rien, par rapport à une norme. Ça nous rend malheureux en plus. Bon, oui, ben, je suis pas chouette, ça, mais ça fait partie de l'autre loi, ça, t'en étais heureux d'être malheureux. T'es bien d'être malheureux. Il y a une mannequin qui est venue faire un tour ici, une femme. Bon, et on lui demande, par exemple, que pensez-vous de toutes les femmes de la planète, le 99,999, qui pourront jamais vous ressembler, alors que vous êtes la représentante de ce que devrait être une femme sur la planète? Et voilà. Et elle répond que, elle est brillante, c'est intéressant, elle répond que c'est simplement une question de normes, je dis ça dans mes mots, mais on a établi ce qui aujourd'hui était de la beauté, moi je rentre là-dedans, je suis belle. Quand on va changer les normes, je serai maître laide. Alors ce qu'elle dit, elle, c'est que toutes les femmes sont probablement belles en dedans, qui devraient se contenter déjà de se trouver belles parce qu'elles sont belles en dedans, et ils devraient savoir en plus que moi je suis belle en fonction d'une norme, mais ce n'est pas une beauté absolue. Bon, c'est dans mes mots. Mais c'est quand même ce qu'elle explique. Évidemment, les femmes n'ont rien à foutre de ça. Parce que c'est bien trop correct. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, les gens, les femmes, plusieurs femmes, pas plusieurs femmes ici, mais il y a énormément de femmes, occupation. Elles veulent être normales. Normales, ça veut dire être comme elles. Alors qu'une femme, en proportion, d'ailleurs, les femmes qu'on peut se faire comme mannequin, ce sont tous des anomalies génétiques. D'ailleurs, elle-même, elle le dit, moi, si on me définirait, je suis une anomalie génétique. Parce que les belles femmes mannequins sont des femmes qui sont comme les hommes. Mais une femme n'a pas les proportions génétiques de l'homme. Ni dans la longueur des jambes, ni dans la largeur du bassin, elle ne les a pas. Une femme qui ressemble à une belle femme dans les normes européennes, nord-américaines, c'est une femme qui a des problèmes. Bon, dans d'autres pays, la femme doit être énorme. Mais là, c'est une femme qui a des problèmes de santé. Mais la problématique, c'est que ce qui est intéressant, amusant, c'est que dans certains pays où la femme doit être énorme, ben les femmes travaillent à être normales, à être baquettes. Dans les pays où les femmes sont minces, les femmes travaillent à être normales. Minces, anorexiques, feluettes, etc. Et il n'y a rien, c'est tellement ancré puissamment chez les individus, parce que les individus ne s'aiment pas, que lorsque la femme essaie d'être un peu belle, pas jamais par rapport à elle, mais oui, c'est par rapport à la femme. C'est comme les enfants avec le casquette, ils mettent ça pour eux autres. Mais quand les petits Chris à côté, ils vont mettre des chapeaux, ils vont mettre aussi des chapeaux pour eux autres. Ça ne sera jamais pour être collectif. Puis quand les petits tabarnouches à côté, ils vont se promener du pied pour aller à l'école, eux autres aussi, ils vont y aller du pied. Parce que c'est plus confortable, pour eux autres, pas pour les autres à côté. La femme, l'homme, c'est la même chose. C'est jamais pour lui, c'est toujours pour le collectiviste. Et évidemment, vous avez une conscience d'intelligence. Ce qui fait que vous ne pouvez pas admettre que vous le faites parce que vous voulez plagier, parce que vous voulez être normal, parce que si vous faites ça, l'intelligence va vous rentrer dedans immédiatement, donc vous êtes obligé d'admettre que c'est pour vous autres. Il n'y a pas une personne qui va passer du temps à se mettre de la poudre d'en face, à se mettre du crayon d'en face, à se boucher les pores de la peau, etc., à se mettre du verre, à se mettre, etc., pour elle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La jeune fille de 8 ans, elle ne le fait pas. À 10 ans, elle ne le fait pas. Quand elle commence à avoir des seins, elle commence à se rendre compte qu'elle est laide. Parce que là, elle n'est pas comme les femmes qui se maquillent. Et là, on va commencer à le faire pour elle. Elle ne le fait pas pour elle. Elle le fait pour être dans la norme. Loi d'occupation majeure, majeure, majeure, majeure. Tu portes du linge parce que ça te vibre et ce n'est pas parce que c'est une question de mode. Mais la majorité des gens vont vibrer uniquement à ce qui est dans la mode. Et ils vont dire, non, ça s'adonne. C'est pas parce que c'est à la mode. Mais quand la mode, elle change, ça s'adonne. Eux autres aussi, ils n'aiment plus ça. Ça fait partie des subtilités. Mais c'est parce que l'être humain passe son temps à se mentir en fonction de la mécanique que j'ai déjà expliquée, qui fait partie du fait que lorsque l'intelligence vient parler à l'être humain, ça oblige l'humain à changer et que toute la démarche de l'être humain, c'est de se couper du contact avec l'intelligence. Et le moindrement que lui met un petit peu de contact avec l'intelligence, il est obligé de couper le contact, parce qu'il ne veut rien savoir du contact avec l'intelligence, ça l'améliorerait tellement bien, ça l'amènerait dans son bon chronotype. Alors nécessairement, l'humain doit réfléchir l'intelligence, et la façon de réfléchir l'intelligence, c'est d'admettre l'intelligence. Alors l'intelligence va te dire, tu dois travailler que pour toi. Alors tu vas dire, je travaille que pour moi. L'intelligence est réfléchie, elle ne te change plus. Puis en dedans, l'ego jubile, l'ego rit énormément, et l'ego travaille pour les lois de ce chronotope. Et le moindrement, si l'intelligence rentre trop puissamment, là, vous allez devoir changer. Puis vous allez changer pour vous couper du contact. Puis quand le contact est coupé, alors vous revenez, vous restez, vous stagnez, puis là, vous travaillez encore pour l'ego. Et l'humain peut changer ça, évidemment que l'humain peut changer ça. Par l'écœurement au départ, il faut que l'humain ait ras-le-bol. Mais présentement, l'écœurement fait partie du malheur, le malheur fait partie du bien-être de l'humain dans ce chronotope. De ce fait, avant que l'humain atteigne l'écœurement de l'écœurement, ça lui prend des vies. Mais le collectivisme, c'est un des points qui est fondamental parmi les mécaniques, les sous-lois de la loi d'occupation. Peur d'être critiqué par quelqu'un d'autre. Oh, c'est du collectivisme. Tout votre état, ce que vous êtes, votre solidité, votre valeur, dépend de l'imbécile d'en face qui va vous critiquer. Que l'imbécile soit moi, que l'imbécile soit votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, un professionnel, etc. Au lieu de travailler en fonction de nous autres, dans cette vie-ci, dans ce chronotope-ci, travailler en fonction de soi, l'humain assujetté à la loi d'occupation sous loi du collectivisme, travaille régulièrement et sinon tout le temps en fonction uniquement des autres. Puis l'être humain qui a suffisamment d'intelligence, il est capable de comprendre que lorsqu'il va travailler, si le patron veut que la femme arrive maquillée, elle va se maquiller un petit peu. Mais là, elle ne dit pas « elle le fait pour moi ». Elle dit « je le fais parce que je vais avoir la paix, je le fais pour le boss ». Puis ça, moi, je serre la main, je vais saluer. Bon, l'enfant qui traverse un quartier, qui mange une volée chaque fois parce qu'il n'a pas sa petite maudite casquette, s'il me dit « je mets une casquette, pas pour moi ». Parce que sans ça, je mange une volée. Et là, je salue. Mais l'individu qui vient me faire à quoi, qui a la main pour lui, parce qu'il aime ça, puis quand la mode change, bien lui, il change en même temps, mais c'est pas parce qu'il suit la mode, jamais, je peux pas saluer. Ce que je peux faire, c'est d'être compétissant. Parce qu'il faut comprendre, et encore une fois, ben, il faut comprendre les mécaniques. La loi de l'occupation, loi du collectivisme, c'est une loi qui fait souffrir l'humain. Parce que quand vous n'êtes pas normal par rapport à une norme, pas par rapport à ce qu'il y a de mieux, pas par rapport à ce qu'il y a d'intelligent, par rapport à une norme, quand on définit la beauté féminine comme étant ça, plusieurs femmes sont malheureuses. Quand on change l'idée de, quand on change la norme de la beauté, certaines femmes malheureuses deviennent heureuses, celles qui étaient heureuses deviennent malheureuses, puis toutes les autres continuent à travailler. Bon. Par rapport à une norme. Et par rapport à une norme, c'est bien évident que si vous voulez changer, vous décollectiviser, vous allez souffrir. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a les mécaniques égoïques, les mécaniques astrales de ce chronotope qui vont vous obliger à ne pas être capable de vous aimer tant que vous ne serez pas dans des normes collectives. Donc, je comprends, par exemple, toi, tu dis, « Bien, moi, je me maquille de temps en temps. » Il y a quelques hommes qui se maquillent. Bon. Si tu me dis que tu te maquilles parce que tu souffres trop de ne pas être maquillé, je comprends, je salue. Je suis d'accord avec son maquillage. S'il vient me dire qu'il se maquille parce qu'il aime ça se maquiller, non. Ben, moi, tu es imbécile. Parce que moi, je me rase, pas parce que j'aime ça me raser. J'aimerais bien mieux parler de barbe. T'sais. Hein? Non, mais tu sais, entends-toi puis moi. Toi, tu te mets un petit peu de rouge à cause que. T'aimerais bien mieux avoir la peau rouge d'abord. OK? Bon, moi, je me rase pas parce que j'aime ça me raser, c'est pas vrai. Je me rase parce que j'ai des explications, je le fais pas pour moi. Si je veux le faire réellement pour moi, je vais m'arranger pour que la barbe pousse plus. Sinon, c'est le rasage que j'aime. Puis l'être humain doit être capable de devenir suffisamment transparent avec lui, suffisamment pur avec lui dans son collectivisme, pour être capable de reconnaître les choses. Puis je comprends la souffrance de celui qui ne peut pas faire autrement que d'être collectif. Mais il faut qu'il soit capable d'admettre qu'il le fait parce qu'il se sent mal de ne pas être normal. Puis la norme, c'est aussi une habitude. Les personnes, par exemple, qui avaient une moustache, bien, rendez-vous-là. Vous allez voir la problématique. Autant qu'une femme qui se maquillait, qui devrait plus se maquiller ou se maquiller moins. Vous allez voir la problématique. Mais quand ça fait 2 ans que vous n'avez plus de moustache, laissez-vous la pousser, vous allez voir la même problématique. Et ceux qui ont une barbe, même chose. Rasez-vous-la. Problème. Laissez-vous la repousser. Oh, ça pousse bien, bien lentement, on s'adapte. Ça pousse vite, allez voir. Mais par rapport à une norme, cette norme s'appelle l'habitude. Parce que ceux qui ont une barbe, bien, les gens vous connaissent comme ça, les gens vous acceptent comme ça. Alors, vous, veux pas, dans votre inconscient, si vous devez vous raser, c'est pas clair que les gens vont vous accepter encore. Mais dans la loi du collectivisme, là, il y a... c'est toujours dans le négatif que ça s'en va. Pourquoi que ça ne pourrait pas aller là où moi je veux aller, dans le monde où je veux aller, dans l'intelligence, le collectivisme dans l'intelligence? Pourquoi ça peut pas? Pourquoi? Parce que tant que tu veux être collectif, c'est ton ego qui reste assujetti à des lois, puis ton ego va suivre la masse. Donc, toi, c'est comme si tu dis, la masse pourrait pas évoluer assez vite là, pour que finalement, moi, je le suive là où ça me tente d'aller. Okay. C'est d'en demander en maudit. L'ego est assujetti à la masse et la masse va déterminer les normes. Souvent, des normes qui sont inatteignables. Avec quelques personnes, il y a quelques personnes dans les normes. On prend certaines personnes, hommes ou femmes, qui apparemment ont des corps parfaits. Ou des maquillages parfaits, ou des musculatures parfaites. Mais la majorité de l'humain ne peut pas arriver là. Prends Arnold Schwarzenegger, par exemple. Bon, on va dire que c'est le gars musclé parfait. Mais le petit Vietnamien, là, il a beau se muscler en 6 mois, il ne gagnera pas 2 pieds. Donc, il n'y a rien à faire, il ne pourra jamais être comme Arnold. Et il y en a plein. Les gens peuvent jouer, il y en a qui vont essayer, ils vont muscler. J'ai vu une émission dernièrement, sur Caméra 80, je ne sais quoi, d'un pauvre bonhomme qui ressemble à Sylvester Stallone, et qui prétend que lui, il est meilleur que Sylvester Stallone, qui, puis là, il s'entraîne exactement comme Rocky faisait, comme Rocky 3, Rocky 5, dans la neige avec les bio. Puis il est convaincu que c'est lui qu'on aurait dû prendre à sa place. Puis finalement, le gars, là, il est totalement omnibulé par l'idée d'être Rocky. Il est même certain que Rocky, c'est son histoire à lui qu'on compte là. Puis c'est le tabarnouche de Stallone qui prend sa place, alors que, bon, tu sais, bon. Puis là, le gars, il nous fait une petite démonstration de ce qu'il ferait au cinéma, puis là, c'est macho maximum, c'est totalement stupide. Mais c'est la même chose. Ce gars-là, il a vu Rocky, puis là, il y a beaucoup de monde qui ont dit, tu ressembles à Rocky. Puis le gars, il s'est dit, écoute, je suis Rocky. Mais ça occupe. Mais ça occupe. Il a commencé à faire de la musculature, il a commencé à faire la fente du bois, puis il commande des cordes de bois. Il a commencé à s'entraîner dans la neige, il a commencé à taper sur des bœufs, il a commencé à faire tout ce que Rocky faisait. Puis sa vie, lui, c'est d'être malheureux. Parce que Hollywood n'a pas été capable de se rendre compte qu'ils se sont trompés en prenant Stallone, que c'était lui. Bon, ça fait partie du collectivisme. Les gens vont dire, moi, j'en suis pas là. Non, je vous parle, ça, c'est très, très, très épais, c'est pas subtil. Mais les subtilités font exactement la même chose. Tout le temps perdu. Je rencontre des individus, quand je parle avec eux lorsqu'ils sont seuls, c'est impeccable. Le mode vraiment qu'ils sont 2-3, c'est plus vivable. Chez les enfants surtout, chez les jeunes, adolescents, descendants, le mode vraiment qu'ils sont avec un autre, t'as deux imbéciles, et ça occupe en masse. Puis les jeunes travaillent à être imbéciles pour être capables d'être dans le vent, dans le gang, dans le groupe. Sauf que le A, l'enfant A, devient imbécile pour être dans la gang. Le B, le deuxième de la gang, devient imbécile pour être dans la gang. Mais il n'y a personne d'imbécile dans la réalité. C'est ça. Alors, au lieu que les deux se rencontrent et se reconnaissent tels qu'ils sont, puis s'ajustent ensuite, les deux pensent qu'il faut que tu déconnes pour être dans la gang. Tout pour mourir. Pour mourir, pour jamais être ce que tu es. Ça fait partie des lois de l'occupation et ça en est de l'énergie. Ça occupe énormément. Je connais des personnes qui ne sont toujours pas capables de s'empêcher de regarder des films d'horreur. Ou encore des films avec beaucoup de sang. Je connais encore des personnes qui vont dessiner. Mais tout ce qu'ils dessinent, il faut qu'il y ait du sang et des meurtres. Il faut qu'il y ait des éclatements de corps. Oui! Parce qu'il faut rester dans ce maudit chronotope où on va manger de la marde. Puis nécessairement, moi, je glisse, et je vais donc perdre du monde. Je vais perdre des amis aussi. Parce que ces amis-là veulent rester là où on fait la guerre, là où on viole, là où on vole, là où on s'entretue, là où on est malade. Ils vont rester là-dedans, puis moi, lentement, on va couper des contacts. C'est qu'ils veulent pas rester là, c'est qu'ils se gardent des portes. Non, ils veulent rester là. Ils veulent même pas aller avec toi? Même pas. Ils veulent aller avec moi, à la condition que de temps en temps, ils puissent regarder un film d'horreur ou un film de con. Ben, c'est ça. En disant que non, mais c'est pas ça que je regarde. Non, c'est pas si grave que ça. Mais non, je sais que c'est pas si grave que ça. Sauf que si on comprend les lois du continuum, c'est pas une question de grave. Vous aimez regarder un film où on claque la gueule à du monde, vos égos s'en nourrissent, vos égos s'enclavent là-dedans, puis ils restent dans un homochrone comme ça. Moi, j'en regarde plus, et à un moment donné, ben, je ne pourrai plus être dans un homochrone où, dans la société, il se fait ça. Mais nécessairement, on ne sera plus ensemble. Il n'y a rien à faire. Vous savez, c'est simple. L'humain a le choix entre vivre bien ou vivre mal. L'humain va dire, « Mais moi, j'aimerais vivre. » Qui plante totalement l'être humain dans des homochrones et qui fait en sorte que l'humain perd son temps, son énergie, donc sa vie. Et progressivement, l'humain va aussi perdre son futur. En restant à travers des en restant sujet à ces lois-là. Puis assujetti, on parle bien au niveau de la conscience. Tu sais, qui plante totalement l'être humain dans des homochrones et qui fait en sorte que l'humain perd et perd et perd son temps, son énergie, donc sa vie. Et progressivement, l'humain va aussi perdre son futur. En restant à travers en restant assujetti à ces lois-là. Puis assujetti, on parle bien au niveau de la conscience. Tu restes encore collectif, mais tu le sais, tu ne défends plus le collectivisme. Tu vas finir par glisser, donc par être moins collectif, moins collectif, plus collectif. Mais l'amusement là-dedans, c'est quand il va être moins, quand il sera plus collectif, il va se rendre compte qu'il est lui et qu'il y a plus de gens comme lui. Est-ce que c'est une des clés, ça, de défendre, lâcher de défendre le collectivisme pour glisser? Oui. Cesser de banaliser les parties du monde dans lesquelles tu ne veux plus être. Tu regardes un journal ou encore à la télévision, et là, on parle encore une fois de l'enlèvement d'une jeune fille, etc., qu'on a retrouvée morte, etc. Ouais. Bon. Et toi, tu regardes tout ça. Non, mais écoute, il faut bien se tenir au courant. Pas de problème. Mais ton ego se nourrit de quoi? De ce qu'il voit. Donc, pour continuer à s'en nourrir, ton ego a besoin de rester dans un homochrone où on va kidnapper des enfants. Non, mais c'est pas... Oui, c'est ça. C'est simplement ça. Et c'est banal, c'est ça. Alors que quand on passe des nouvelles que tu peux écouter, tu changes de station. Bon. Quand tu vas louer un film, le film, ou encore tu regardes des vidéos, oui, etc., super écran, puis le film n'est pas un film, ça commence avec une explosion du monde qui revolte. On n'écoute pas ça. Ah, la vie va être plate. Mais oui, la vie va être plate. C'est évident. La paix, il n'y a rien de plus plate. Le bonheur, il n'y a rien de plus ennuyant. Mais ça, c'est uniquement parce que vos égos ont besoin de se nourrir de mort, de violence, de sang, de malheur, de suspense. Est-ce qu'ils vont se divorcer ou pas? Est-ce qu'il va mourir ou pas? De suspense. Ah oui, OK, vous vous en nourrissez. C'est pourquoi, s'il n'y en a pas, c'est ennuyant. Sauf que progressivement, vous nourrissant d'autres choses, ça ne sera plus ennuyant du tout. Vous allez aimer ces choses-là. Et le gros de l'amusement là-dedans, c'est que plus vous croyez aux extraterrestres, plus on sort des films avec des extraterrestres, plus vous entendez parler des voyages dans le temps, plus on sort des films avec des voyageurs dans le temps, plus vous allez entendre parler de ce que vous voudrez, plus il va sortir des livres, des films, etc. Pas parce que la société change, pas parce que par hasard, non, parce que vous glissez de homochrone, puis vous allez là où il y a plus de gens qui pensent aux extraterrestres. Donc, on fait des films sur les extraterrestres, puis les films font fortune. Mais c'est normal, parce que vous êtes dans un homochrone où les gens y croient. Vous allez là où vous êtes prêt à aller. Et si vous voulez être collectif, dans cet homochrone-ci, pensez pas à changer d'homochrone. Vous allez changer quand le groupe de l'humanité va changer. Et puis, vous n'allez pas changer, vous, à votre propre rythme. Vous allez aller dans un monde de paix quand les musulmans vont y aller, quand les chrétiens vont y aller, quand les soviétiques vont y aller, quand les rwandais vont y aller, quand tout le monde va y aller. Sinon, vous allez devoir être normal, mais vous autres, tout seul, être naturel, finalement, puis plus être assujetti à la loi du collectivisme. Une deuxième question. Est-ce qu'il y en a d'autres clés? À part de lâcher de défendre la collectivité, là, mais la première chose que l'humain doit faire, c'est de comprendre. Bon, comprendre, ça veut dire avoir un accès aléatoire à son instruction. Ça, c'est une chose encore qui manque. Au fur et à mesure que... Bon, j'ai parlé il y a quelques mois que moi, j'étais en mode de changement radical et puis... Donc, il y a de l'information nouvelle que j'amène avec nécessairement des mécaniques, des procédures qui sont différentes. La première chose que l'humain devrait faire, c'est d'apprendre à être capable de se supporter lui-même, c'est-à-dire à être capable de s'aimer. Bon. Pour que l'humain soit capable de s'aimer, il y a une étape avant que l'humain devrait faire, c'est que l'humain doit remettre totalement de l'ordre dans toutes ses structures de métacognition. Bon. Une fois que cela est fait, l'humain doit être capable de poursuivre le ménage dans sa métacognition pour être capable de prendre des parties d'informations qui ont été stockées dans un tiroir, ça n'a rien à voir là-dedans, mettre ça dans le bon tiroir, fouiller dans toutes ces structures aussi, prendre encore un concept qui est là, le mettre là-dedans, prendre des morceaux du concept qui n'ont rien à voir avec ça non plus, puis aller remettre ça à côté, puis ensuite, quitte à se faire un tiroir, débarras pour l'instant, puis mettre des choses, ça va où, je ne sais plus où ça va, ça, là, on met ça là. Et une fois que ça est fait, l'humain va avoir une pensée, elle va avoir une structure beaucoup plus claire. Quand la structure est claire, l'humain va nécessairement comprendre, parce qu'il aura fait le travail, Et comprendre, ça veut dire lui donner un accès aléatoire à sa mémoire, donc à son information. Alors, je dessine ici. Ça veut dire que l'humain a un immense schéma qui va s'appeler cosmogonie. À l'intérieur, il y a un schéma qui s'appelle Dieu. À l'intérieur du schéma Dieu, il y a les schémas miracles, il y a les schémas Jésus, il y a les schémas d'autres dieux, il y a les schémas enfer. Bon. L'humain a un schéma ici qui s'appelle homme, femme. Dans homme, dans le schéma homme, il y a homme, femme, il y a enfant, il y a homo, il y a lesbienne, il y a épais, il y a parent, il y en a plein. L'humain a des schémas qui peuvent être maison. Dans son schéma maison, il va avoir table, cuillère, fourchette, lit, chicane, plein de choses. Bon. À un moment donné, l'humain apprend que l'être humain est manipulé. L'humain est manipulé, ce qui fait que l'humain va prendre le concept manipulé, puis là, il va essayer de le placer dans le schéma homme, avec un petit bout dans le schéma Dieu, que c'est Dieu qui manipule l'homme, puis avec un petit bout ici, ça crée des chicanes dans la maison. Sauf que c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a rien à voir avec Dieu, il n'y a rien. Bon, Dieu doit rentrer dans un schéma égrégore. Bon, OK, lui-même, il crée un nouveau schéma, il place Dieu dans l'égrégore. Maintenant, dans l'égrégore ici, est-ce que Jésus, le Nazaréen, est totalement là-dedans? Est-ce que, etc., c'est bon, bon, il ne sait plus. Puis il y en a ici pour plusieurs, pour qui, dans l'égrégore, il y a un schéma égrégore qui est résiduel, qui traîne là. Et ça fait que lorsque on vous demande, qu'est-ce que c'est un égrégore? Un égrégore, c'est une mécanique qui contient beaucoup d'égrégores avec... Non, c'est pas ça. Bon, comme plusieurs, à un moment donné, il y a les schémas, le Dieu, c'est le cosmos, c'est Dieu. Dans le schéma Dieu, il y a cosmos, dans le schéma cosmos, il y a Dieu. C'est quoi Dieu? Ah, Dieu, c'est le cosmos. C'est quoi le cosmos? Alors, on descend le schéma cosmos. Cosmos, c'est Dieu. Ah, c'est quoi Dieu? Moi, on est dans le schéma Dieu. Dieu, c'est le cosmos. La personne est bien heureuse, il n'y a aucun problème, c'est parfait. Sauf qu'au niveau de sa vie, comment cela peut-il être utilisé? Ça ne peut pas être utilisé. Le ménage qui doit être fait à travers tout ce que les gens ont appris, ce n'est pas de renier, c'est de faire un ménage. Le ménage au départ, c'est d'apprendre comment vous structurez ou comment vous devriez structurer votre métacognition. Donc, vos mémoires, comment on devrait schématiser, placer les choses, ça s'enseigne, ça s'apprend. Une fois que c'est fait, bien là, on va aller revoir chacun des éléments qui peuvent être utiles à l'être humain pour que l'être humain s'en sorte. Mais chaque fois qu'on va voir un des éléments, on va l'étudier de façon à ce qu'il soit imbriqué dans les bons schémas, dans la nouvelle structure métacognitive de la personne. Et quand elle va le replacer là, la personne va nous dire, elle pose des questions. Cette façon de faire, c'est une question qui fonctionne, c'est une façon qui fonctionne avec des questions. Par exemple, où l'animateur pose des questions, mais où les gens devront poser des questions. Ça, il y a des façons d'arriver à engendrer une mécanique. Si je comprends bien, puis la meilleure façon d'assurer une métacognition, c'est simple. Un égrégore, c'est quelque chose qui fait partie du monde astral, et un égrégore, c'est quelque chose qui contient des formes. Bon. Dans tes mots, explique-moi c'est quoi un égrégore. Un égrégore, pour moi, c'est... Dans tes mots. Oui. C'est une quantité de pensée. Voyez-vous, là, je peux, moi, en tant qu'animateur ou formateur, me rendre compte que tu es allé fouiller dans des schémas qui ne sont pas corrects. Parce qu'un égrégore, c'est une quantité de pensée. Oui. Et moi, je me demande, qu'est-ce que la pensée? La pensée, c'est ce qui omnibule l'homme. Encore des schémas qui sont mal adaptés. C'est vrai que la pensée omnibule l'homme. La pensée, ce n'est pas que ça. Ben, c'est ce qui la pensée, est-ce qu'un égrégore peut manipuler une pensée? Non. Est-ce qu'une pensée, un égrégore peut pas manipuler une pensée? Oui. Donc, oui. L'égrégore n'est pas une quantité de pensée. La pensée n'est pas inclus dedans. Parce que l'égrégore du Parti québécois peut omnibuler, peut venir manipuler ta pensée. Oui. Donc, voyez, alors, le gros de l'affaire là-dedans, c'est que, bon, en posant des questions, comme là j'en pose, puis après ça, je te demande de me dire dans tes mots ce que tu as vu, bien nécessairement, en parlant, tu es obligé de fouiller et maintenant, tu vas comparer avec les nouvelles structures. C'est pourquoi tu dis, ben non, oui. Bon, tu es en train de comparer. Et jusqu'au moment donné où tu es capable de le dire clairement, tu vas avoir extirpé tous les mauvais éléments des mauvais schémas. Ils vont être placés dans des barras où ils vont prendre leur vraie place là où ils auraient dû aller si au départ, vous n'aviez pas été... amétacognicien, c'est-à-dire si au départ, votre métacognition n'aurait pas arrêté vers l'âge de 3-4 ans. Si vous seriez encore métacognicien, ça serait déjà toutes les informations nouvelles sont dans les bons tiroirs. Et la nuance que ça va donner, une fois que cette mécanique ici est accomplie, la nuance que ça donne que vous avez des schémas qui maintenant vont contenir les choses avec des schémas qui contiennent des schémas bien placés. D'autres schémas ici, un schéma général. Et la différence maintenant que tu as métacognitivement parlant replacé tes éléments dans les schémas et recréé les schémas manquants, tu as un accès aléatoire, donc un accès à volonté au schéma que tu as besoin. La différence que ça va donner que tu apprends de l'information 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une suite d'informations. Par exemple, il y a telle loi, telle loi, telle loi qui engendre tel effet, qui amène telle cause, qui engendre tel effet et tel effet. La vie, vous vivez, vous rencontrez un événement particulier, il se passe quelque chose chez vous dans la mécanique astrale ou n'importe quoi. Maintenant, vous allez faire face comment? Comment, par exemple, on essaie de vous collectiviser. Comment allez-vous vous rendre compte rapidement que vous êtes collectivisé? Si, pour vous en rendre compte, vous devez... C'est ici qu'est le collectivisme. Alors, il se passe quelque chose, vous avez accès linéairement à vos informations. Alors, il y a la loi qui fait que si, que ça, vous êtes collectif depuis longtemps, vous n'en avez jamais rendu compte. Si vous avez un accès aléatoire, vous allez devenir ce qu'on appelle un expert. L'expert, comparé au néophyte, a un accès aléatoire à son information, alors que celui qui n'est pas un expert, même s'il a 20 ans d'expérience, a un accès linéaire à son information. En étant un expert, du moment qu'on commence à vous collectiviser, le peu d'éléments que j'allais ramasser va vous amener immédiatement à faire référence à l'information qu'il vous faut pour être capable d'agir avec la vie. Et c'est ce qui fait la grande différence entre moi et la majorité des humains au niveau des informations concernant l'humain, l'homme, avec les lois du cosmos, enfin les lois de l'illusion, du mensonge cosmique, de ce chronotope. On parle de clés. Bien, la première chose à faire, évidemment, c'est d'en arriver à être capable de replacer ces structures cognitives de façon à avoir les bons éléments en bonne place. Ensuite, d'être capable de comprendre. Mais le fait d'avoir à replacer les éléments vous oblige à de la compréhension. Mais vous obligez de la compréhension, ça va demander des choses. Vous obligez à la compréhension, ça veut dire faire un ménage. Faire un ménage, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire extirper des éléments d'un schéma, un élément qui ne va pas là. Ça veut dire ôter de la mémoire dans ce schéma-là. Bien, vous allez nécessairement souffrir un peu. Mais c'est ça, l'ego résiste pendant tout ce temps-là. Justement, il va y avoir une résistance. Puis une grande résistance, la grande résistance apparaît surtout dans le fait que vous n'avez pas de structure métacognitive. Ça veut dire que pour plusieurs, au début seulement, et que ça crée un cassage de tête. Et là, ça réfléchit. Là, ça essaye de comprendre. Ça a beau vouloir suivre, ça ne peut pas suivre. C'est normal parce que toute votre structure est linéaire. Si je vous dis de m'expliquer, par exemple, rapidement, tout à l'heure, on parlait d'un égrégore. J'ai expliqué c'est quoi un égrégore. Il a pris les éléments que j'ai donnés et il les a placés en mode linéaire et il les a placés dans sa mémoire à court terme. Ça n'a même pas été placé dans un schéma. Et là, je te demande de m'expliquer c'est quoi un égrégore. Tu laisses faire la mémoire à court terme. Tu rentres dans un schéma dans lequel il y a égrégore. Peut-être que dans le code Jacques, il y a peut-être 822 schémas qui contiennent le mot égrégore. Alors, il y en a ramassé un. Et là, il est obligé d'essayer de me le faire linéairement en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, il essaye de sauter des éléments d'information, mais ce n'est pas un accès aléatoire en mode expert, c'est un accès en mode stressé. Et c'est un stress aigu, ce n'est pas un stress chronique. Alors, il ramasse des mots. Un égrégore, c'est une quantité de pensée. Ouais. Probablement parce que le temps est une quantité de matière, la matière une quantité de temps. Le mot quantité a peut-être été ramassé dans ce schéma-là. On peut étudier de quelle façon vous procédez. Et quand on étudie, quand vous allez comprendre la façon dont vous procédez, là, vous allez voir que le stress cérébral, toute la grosse tête enflée, elle disparaît progressivement parce que vous allez rétablir des façons de travailler. qui, elles, sont efficaces. Et là, ça passe tout seul. Puis c'est pas long que vous allez aimer faire de la métacognition. Vous allez devenir autodidacte. Autodidacte sur vous. Alors qu'actuellement, ben, l'humain ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'humain est totalement pris par sa pensée. Et sa pensée est totalement désorganisée. Sa pensée est totalement aléatoire. Les choses se sont placées à la va comme je te pousse. C'est la faute à personne, mais les parents, les enseignants, les enseignantes, la société n'a pas su instruire en plaçant les choses. La loi du collectivisme, qui est une, donc la sous-loi du collectivisme, qui est une sous-loi de la loi de l'occupation, c'est l'une des grandes lois de perte d'énergie qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas glisser de Mokon rapidement, que les gens ne peuvent pas changer. C'est ce qui tient, c'est ce qui tient tout le monde dans le chronotope. Oui. Si on lâche de défendre ça, là, on glisse automatiquement. En cessant de vouloir être collectif, il se passe plein d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de sous-lois de la loi du collectif. Du collectivisme qui tombe. Bon, premièrement, si vous acceptez d'être naturel, si vous parvenez à être vous-même, vous vous sentirez plus inférieur. Si vous vous sentez inférieur, c'est que vous êtes naturel, peut-être, mais vous n'avez pas encore accepté de l'être. Ça se fait. Vous devez comprendre aussi que la grande partie de vos manipulations provient uniquement de la structure de vos schémas, de votre métacognition. Chaque fois que vous vous regardez, vous allez fouiller dans des schémas de normalité. Si ces schémas-là sont bien étiquetés, ou si ces schémas-là sont éliminés, ou si ces schémas-là de normalité sont placés dans le schéma majeur qui est illusion, qui est dans le schéma pas nécessaire, ça ne vous dérangera plus. Mais c'est important de comprendre ce que je vous dis là. Uniquement parce que quand vous fouillez chez vous, vous avez une structure très aléatoire et très mal structurée. Structurée par l'astral, pas par l'intelligence. Bien, nécessairement, à chaque fois que vous faites référence à des choses à l'intérieur de vous, vous faites arnaquer, vous vous faites ramasser, vous vous faites avoir. Et c'est mal organisé. Et il y a moyen de mettre de l'ordre. Et l'ordre se place par la compréhension. Mais la compréhension demande un effort métacognitif. L'effort métacognitif, ça veut dire se creuser les méninges un petit peu. Ça veut dire faire un travail cérébral. Et pour la majorité des gens qui ont perdu cette habilité à être métacognicien, métacognition veut dire apprendre à apprendre, pour les gens qui ont perdu cette habilité à être métacognicien, le travail cérébral, ça les dérange. Même chose que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport. Quand vous commencez à faire un peu de sport pour vous mettre en forme, bien, la majorité se disent « je suis pas assez en forme pour faire du sport ». Mais c'est la même chose. Tu commences, il faut que tu apprennes une petite chose, là, puis tu la comprennes. Mais là, on va. Moi, je le fais avec certaines personnes, et il y a des ateliers qui vont vous être offerts pour vous permettre d'en arriver là. Mais au départ, moi, je suis avec une personne, et là, je lui explique. Puis là, je lui demande de me l'expliquer. Là, il me l'explique avec sa mémoire à court terme, avec mes mots. Et là, j'y pose la question d'une autre façon. Elle l'est faite. Et là, elle m'explique. Là, je lui dis non, c'est pas ça. Là, on recommence. Puis la personne devient stressée parce que là, elle est avec un animateur, avec moi entre autres. Elle devient stressée parce que là, elle se dit, ben là, je vais passer pour un mot du niaiseux. Et moi, je lui dis, non, tu sais, tu es correct. Ta façon est effectivement mauditement niaiseuse. Bon, là, on la stresse, puis là, elle travaille, puis là, elle essaye encore. Puis là, elle dit, oui, mais là, la façon dont tu y vas, le plus ça va, moi, je comprends. Et c'est faux. C'est parce que tu tiens tellement à ta façon que tu ne peux plus comprendre. Parce que ce que je t'amène, elle n'entre pas dans ta façon. Fait que t'as beau travailler comme tu veux, puis te stresser, te forcer d'y aller, tu peux pas. Et à un moment donné, bien là, subitement, la personne, quand elle est à bout de ça, là, on lui présente d'autres éléments. Puis là, je lui pose des questions maintenant plus simples. Des questions vraiment, là, aussi niaiseuses que si je vous posais... Un plus un égale quoi? La personne, elle dit, ben, tu peux, ça fait 4. Exemple, là. Je prends des, c'est l'exemple. Bon. Là, à un moment donné, je lui dis, non, ça fait pas 4. 4 moins 1, ça fait quoi? Ben, 4 moins 1, ça fait 3. Fait que 1 plus 1, ça fait pas 4. 1 plus 1, ça fait quoi? Oh, 7. Ça fait, là. Non, 7 moins 1, ça fait 6. Ça fait pas un, donc un plus un, ça fait quoi? Ouais, mais là, tu sais, tu m'énerves, là. C'est ça qu'il faut. Puis quand on a fini, oui, parce qu'il faut absolument que l'ego cesse de se servir de ces bâtards de structure. Puis à un moment donné, je lui dis, ici, c'est quoi qui est écrit là? Ben, ça, c'est un chiffre. Mais non, non, c'est quel chiffre? Ben, c'est le chiffre 1. Puis l'autre en dessous, c'est la même chose. Non, c'est quel chiffre? Ben, c'est le chiffre 1 aussi. C'est pas le chiffre 1 aussi. Ben, c'est le chiffre 1. Bon. Ça, c'est quoi? 1. Ça, c'est quoi? 1. Là, on commence à faire de la métacognition. Puis le petit signe qui est ici, c'est quoi? Ça, c'est une addition. Parfait. On va additionner quoi? Mettez deux bouts de chiffre. On recommence. Ça, c'est quel chiffre? Oui, la personne glisse. Là, je vous donne un exemple. Il ne faut pas 5 et 1 plus 1. Mais c'est la façon. Quand la personne est capable de dire, ben 1, c'est 1 plus 1. On additionne quoi? On additionne 1 plus 1. Bon! Là, on est en dehors de sa foutue structure. Et là, là on y va bien doucement. 1 plus 1, ça fait quoi? La personne, disons qu'elle donne 2. Ben, j'ai dit, parfait, c'est bon, c'est bon. Là, il va maintenant ici. 0 plus 2, ça fait quoi? Là, 4. On est revenu avec sa première structure. Là, on recommence. Ça, c'est quel chiffre ici? Bien, après 4-5 fois, on lui donne n'importe quelle addition, puis elle les a toutes. Et elle ne travaille plus, là. Ça devient facile. C'est la même chose, sauf que c'est évident qu'au départ, l'individu, l'ego, essaie à tout prix d'utiliser sa structure de métacognition pour être capable de fonctionner. Et ce qu'il faut qu'on fasse pour que vous soyez capable de redevenir métacognicien, métacognicien, c'est de ne plus utiliser les vieilles structures qui sont inadéquates de façon à pouvoir en créer des beaucoup plus performantes. De 0 à 3 ans, en majorité, vous avez créé vos structures métacognitives. Vous n'aviez aucune expérience. Aujourd'hui, si vous recommencez à vous refaire des structures métacognitives avec l'expérience et les connaissances que vous avez, vous allez devenir, en tout cas, il ne faut pas dire le mot, là, mais génial, disons. Oui, c'est ça, parce que on accepte quand même à ça. C'est pas mort. Ça. Non, mais il faut que tu réapprennes, mais ça s'apprend. L'enfant, quand il vient au monde, il n'est pas métacognicien. Ben non, il sait rien. Mais vu qu'il ne sait rien, il stocke de l'information. Mais il va la stocker en fonction de l'éducateur, du parent. Le parent qui lui répond n'importe quoi, c'est quoi ça? Ah, ça, là, c'est pas touche. Pas de problème, c'est pas touche, ça. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est caca, ça. Ah, touche pas ça, c'est caca. Pas de problème. Il y a une droite d'affaire avec quelqu'un, mon ami. Pas de problème là-dedans. Bon. Et l'autre parent qui va lui dire ça, c'est un verre, c'est plein d'eau, mais je ne veux pas que tu y touches parce que c'est dangereux, ça peut casser, ça peut mouiller. OK, verre, plein d'eau, danger, bon, etc. À un moment donné, ça c'est encore. L'enfant voit, il voit un chien, le chien est attaché, le chien sort l'écro, l'enfant veut s'approcher, l'enfant a toujours, 6 mois, 8 mois, 1 an. Le parent qui lui dit non, ça c'est dangereux, ça ici, là, le chien n'approche pas du chien. Le chien est placé avec le verre. Bon. Mais c'est quand même déjà mieux. Mais le parent peut nuancer plein de choses. Puis en nuançant plein de choses, l'enfant tombe schéma. Cet enfant-là va être mauditement plus brillant que ses collègues de classe quand il va aller à l'école. Pourtant, tous les enfants qui sont là sont probablement aussi brillants. Mais ils n'ont pas la capacité de l'être. Parce que l'intelligence est intelligente. Mais ça s'exprime comment chez vous? Ça s'exprime par les mécaniques, à travers la loi de l'expression de la nature humaine, et par la suite à travers des sous-lois, dont l'une des sous-lois fait partie de votre métacognition, donc comment vous êtes devenu métacognicien, comment vous avez créé vos structures. À un moment donné, on prend n'importe quel individu qui est toujours mélangé. Les gens sont mélangés. Pourquoi les gens sont mélangés? Les formations sont mélangées. Et leur structure d'accès, hein, ce qui permet de créer des passerelles entre différents schémas pour être capable d'utiliser, c'est tout mélangé. En plus que la loi du collectivisme, ça y mélange. Bien, la loi du collectivisme va faire en sorte que les gens vont essayer de penser cool comme les autres. Ben oui. Mais surtout, ce n'est pas nécessaire tellement, parce que de 0 à 3 ans, on leur a montré à penser comme tout le monde. On leur a montré à être raciste, à être sexiste, à être ceci, à être cela, à être frustré, à être. On leur a montré plein de choses et l'enfant a appris. Pour que l'être humain puisse arriver à bouger convenablement, s'en sortir plus facilement, c'est évident qu'il doit refaire totalement ses structures métacognitives. Mais la façon de refaire ses structures métacognitives, c'est nécessairement de faire de l'ordre. de l'ordre dans ces schémas. C'est essentiel. Dernièrement, je regardais plusieurs structures qui existent sur la planète, ainsi que des structures que j'ai amenées antérieurement, pour découvrir que si on veut glisser de Mokron, donc si on veut finalement s'en sortir, il y a des éléments clés de base qui manquent avant, un peu pendant, puis après ça, il y a tout le neuf qui peut être amené. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain doit être capable de faire du ménage. Les éléments clés de base, c'est ça, c'est d'être ouvert à la métacognition. Ben, c'est de redevenir métacognicien, c'est absolument évident. C'est un des axiomes du PMC. L'homme doit apprendre qu'il peut apprendre. L'homme doit apprendre comment apprendre. Et finalement, ben, l'homme doit être son seul maître. L'homme ne peut contrôler que ce qu'il connaît parfaitement. Bon, mais donc, au départ, il faut que ça fonctionne, les choses. Si on regarde il y a un calendrier qui est sorti dernièrement, il y a des nouvelles structures à l'intérieur, il y a des ateliers qui sont offerts, en l'occurrence, introduction à la cosmogonie de la réalité. C'est 25$, c'est une vraie farce, une peanut. Bon, pourquoi à ces prix-là, c'est sûr, c'est d'introduction, il y aura le cours cosmogonie de la réalité par la suite, mais pour l'instant, l'introduction sert à quoi? Elle sert simplement à faire un petit ménage d'urgence dans la cognition des individus, pour que la personne puisse voir, OK, bien, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Il y a seulement trois points majeurs. Qu'est-ce que c'est un peu ce qui t'entoure? Où est-ce que tu te retrouves là-dedans? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Trois points. Parce que sans ça, la personne, elle mélange. Elle va dire, ça va pour m'en sortir, il faudrait que je contrôle ça. Non, ça, c'est la merde dans laquelle tu es. Tu n'as pas à contrôler ça. Il faut s'en sortir. OK, oui, il faut s'en sortir d'autre chose. Après ça, bon, ça ici, c'est le chronotope. Qu'est-ce que c'est la constitution du chronotope? Ah, OK, mais il y a l'astral qui, lui, nous manipule. Non, la manipulation, c'est dans le schéma 2. L'astral, dans le 1. La manipulation, c'est dans le schéma 2. Mais quand ça devient clair, on peut parler de l'astral sans que les gens, sans que dans les différents schémas de tout le monde, on est dans un contexte astralisé. Là, en dedans, inconsciemment, dans certains cas, ça dit, « Ouais, on le sait, ça. » Là, ils viennent de mélanger deux mécaniques. Alors, il y a toute une panoplie de choses. Premier ménage. Dernièrement, il y a des gens qui ont fait discerner l'ego par l'équitation. Ils ont appris énormément, mais c'est un autre point de base, être capable au minimum de savoir qui on est, qui on n'est pas, puis de voir que ce qu'on n'est pas mène sa vie. Et ce sont des points de base. L'individu doit apprendre ensuite à être capable de goûter à un glissement homochronique. Quand on parle des journées vivifiantes, c'est un peu ça finalement, c'est dans une journée, là, d'aller glisser un peu, pour être différent. Bon, tu reviens après, c'est évident, parce que ce sont des outils pour créer de la métacognition, pour permettre aux gens d'acquérir de nouveaux schémas. Et nécessairement, au fur et à mesure des semaines, on va rajouter des ateliers avec des priorités, des ordres, etc., qui vont faire en sorte que les personnes vont pouvoir traverser une restructuration métacognitive en fonction évidemment de leurs besoins. Parce que tous les ateliers ne s'adresseront pas à tout le monde. Les ateliers de base, c'est évident, les gens ne sont pas métacogniciens. Bon, mais à un moment donné, il faut que la personne soit capable de... De toute façon, il va y avoir des évaluations cognitives. Je t'évalue, je te pose des questions, tu réponds correctement. Écoute, il y a ça, tu n'as pas besoin, c'est clair. Bon, mais là où tu réponds en bafouillant, etc., les conférences ne peuvent pas te mettre de l'ordre dans ta métacognition. Les conférences que je donne ne peuvent pas mettre de l'ordre. Ça apporte trop d'informations, oui, puis on essaie de... Ah oui, une fois que tu vas être clair au niveau métacognitif, là, les conférences vont être un maudit support. C'est absolument très génial. Sauf qu'actuellement, c'est pas mauvais. Énergétiquement, c'est très bon. Mais en plus de l'énergie, il y a de l'information pour l'ego. Il y a de l'information métacognitive. Mais elle est placée où? Elle est placée n'importe où. Oui, c'est ça. Elle est décortiquée à mesure qu'elle la rentre. Elle est décortiquée et placée un peu partout, c'est ça. Oui. Quand une personne va dire, Daniel, il me semble que tu as déjà dit l'inverse une autre fois. Mais moi, s'il m'explique, je me rends toujours compte que je n'ai jamais dit l'inverse. Que je ne me suis jamais contredit. J'ai dit ça là, ça va là, etc. Là, maintenant, on est ici, ça va ici. C'est bien différent. Il n'y a pas de contradiction. La personne, elle a placé ça là-dedans. Parce qu'on va dire, par exemple, il faut être petit. Donc, j'ai dit ça. Mais dans un contexte. Un jour, je dis, il faut être grand. Elle apprend grand, il faut être grand. Donc, après ça, qu'il faut être petit, ça vient de se contredire. Donc, il y a deux contextes différents. Un exemple banal, mais c'est la même chose pour différentes mécaniques où tu as deux schémas différents. Ah, ben c'est ça. Alors, on fait une pause schématique.